elle t'applaudit. Tu as la tête dans les étoiles, ça te donne un air pas banal. T'as le look, ça c'est sûr. Le look, t'as le look, ça c'est sûr. T'as le look, ça c'est sûr. Le look, t'as le look, ça c'est sûr. Tu as l'air très chic, c'est un air très magique. Les joyaux étincellent, et c'est toi la plus belle. Tu es hypnotisée, complètement fascinée. Tu as la tête dans les étoiles, c'est une magie pas.